au présent se conjuguent dans un futur de sang. Ils aiment le poison, que vont-ils récolter? Mais que reste-t-il à présent? On lâche des bombes pour de l'argent. Le respect s'est-il envolé dans les fumées, irradié mal? Le monde a mal. Mais que reste-t-il après?